bana kini bana braza batala gamote kinguba na monokote pote yemo talia gamwe ofele watu mona makodini watu abe mona makodini mame papa ochome Yeah. sa bota le langa tatu Ya sa fendi Ona ma komina malaka nozo mwa babigate ya Kongo De malo bananga Ya suka Tatu na tinde ni obo lingo Oya nga chimika bondo Oya mba yango Tina suka ya la vi Etienne Café Chimanga wetu Salon la coste pati mayola na bandala Nanga kato zo mwamba Eza endo la nzambe Yango na kosta lisa pero wa amantwa Na patrike mi mbongo Ia la le maes Nike bo pasta Pati gato Bosu ya kato zo mwamba Eza nanga ya kisi Tegege, tegege, tegege Sese e de nivele Kou mwen biama Na moto na ye Soki batangi mi bali misa tu wazat Et je t'ai défait, ma femme, les gars, papa, d'abord, j'ai dit, femme, bon, t'as chingé, ma imona, soukatinita, Thank you. na male kiri beto na boga gala koze balo tole lu bana te ya boga na londe na boga na glisa na kosa kai ote ma pepe ni sare beta ni bote kai bana ki o ma Kabila, tu marches comme une phrase dictée par Dieu, n'est-ce pas l'honorable Martin Kama? Ah ouais, Fifi Ferrari, Lili complice la Bruxelles. La sangue c'est pour Yamo, Pepe Banita. Bisolanga et Koma, Kansela Yamo, Pepe Banita. Rami Amisi, oui, mais ça va venir sur les têtes des gorges ou tout ça. Mokabila n'a commis la soukayamo qui n'est fin du monde. Angèle Bétou, la sangue se couvre à mon peuple banina. Missolanga et Koma, Kolou, Kansela, y'a mon peuple tata. Déloge ma mère. Comme on a fait à Mindelenga. Bola na pesa e ko mona ko martin ta mai bisi kile na ngo yalo ba mingi te aza pro mo na kasi na pesa ya finanga na ya na certifica de nessa sera na ya na le de bonde prefere ya ba fi o so se salando a mo kabila jesu na sa de va ta beauté mo kabila mo si ki to ko tu na Doudou ma choye bisa papa ma chola le mina Titi Zanko toi Ibo Kolo de Londo le Yokimuna Irene Mokabila Misha Tanda Lili Lunda Martin Kama Boka Matalabio Nyo Soto Kende Nalobi ya Esa la Boga Philippe la Simba Aussi malavionnée sur ma maman sur la piste. Ma chérie, Zokeza na kanisa ki ene ariete wa mwe na ebite songe zali frida mushi togi kikuyenga zoke zalaki I re na l'honorable kama yokani role la muna janvier kama role la irene kwe pardon Kama mwana nzame na vision Kasi ata mokote amekako desine ye Kasi ata mokote amekako kanga ye foto Gigi kuye la oya tata Yebisa na vivian kunse vivali late Mama bebe kigo mabako ya Saloti musha lala mameter Yebisa marijile na koya Yo yo yo muna Muna yo yo yo muna Bina mama oyo Yaka li sanganga na imitaka Yetuka doso makabanze mo plas moko Efot na kate fot ya komele sa Mama pasa wakutu babenga wabango mboyo na mpia Babenga wabango na fransi le jimo Omana siya kubo kechi na mboyo Maboso na mangombo Efot na kate Mokolo nzamba kwa yanana kwa sangeta de bezo Pobiso nyo stoze la kube nzamba ya Ya tedi kinsala Na yemi ndingi ba yemba ya tedi Nenge ba imba di da kese Nenge ba imba ba tunyo suba jama kwa tu mama sikini Alobia Simo be mama pepe ni ya bako Na nenge ba imba l'honorable kama Martin Mambo kwe kiyari Na jonyo mbasi Cecile Odia Nicolas Mande Josan Mande Jolie Boulamba Giselle Masitu Bokuta la beyo nyoso na muna Bana braza bana poto wapitario na ele susu tu faya na katia muna kamalondo o vive ngai ni tabouche samson ba mominyo sonam na sala ba ngobazala na koma koyuka makabu ebele bola na ngali susu na makaba basi ba mama yo susu na ngala ba papa na bona na konde ba lokoli Shopping exotic, bowling, no Saïsaï na Londres. Spaghetti, hein? Alors, ma blague de Bruxelles. Bada Kungu, tout Paris coiffure. Gilly Ilumbe, Bina Dallas, la beauté d'Anvers. Badou Simba, Fiston Lubaki, Tony le Prince, Valérie le Sandro, Richmond Henri, Willy Chinga. Les Mastone, par contre, je vais te faire un peu de temps. Je vais te faire un peu de temps. Je vais te faire un peu de temps. Je vais te faire un peu de temps. Je vais te faire un peu de temps. Je vais te faire un peu de temps. Je vais te faire un peu na sala yo stone ipo makaya na depsa ipapsa boni yo lingi kokuna ngana cimetière klema ya bambo e paito mweza la tate fololo pelo kola stone wifina moleka mado moleka boni mona biso e baki kota mola klema lelo e komi mama mpona nini. Israël m'attend à bien pour le ça faisant chambre. Marie-Claire Kahn et Bomonia, les atatati, le chouchou, le chocolat. Mon ami, soyez ma qui compte en boula. Les loyers comme une chaise roulante, maman. Accident passé à court, un peu tout tiki la yangonioka. Patricia Massamba. Papa quand c'est beau, tu vois ça, dit Gabin, tu t'es à Molokwe. Papi et Konzo, si ma maman ben amour, t'es ma maman. Christophe Mouzou. Ma petite union sur la pote et qui s'assa y'a fille derrière moi. Adolphe Dominguez, Oya Boucha, Papa Nadana Menina, Washington Bounty. Souviens-toi quoi. Ah, on va le vivre à Dieu, c'est ma cousine à pisser. Si mon bébé, papa, maman, ma casse. Clémence Tonné, papa, la chaîne des mains. Et au sali porte bonheur et à mamie. L'atmosphère. Ata koutou, monsieur, babena, nina. Basale la yango koutou, parfait na parié. Babesa yango kombo, nina, richi. Yabonga, mamie, la pèse, yo kombo, clema, richi. Osali Lokola Victor Newman, Osali Lokola Ariston Ford, Yonde finale ya Bajoe, Osali Pote ya Papa ya Botanga, Clemas Tane ya Mia Romera, Clemas Tane na la Leli, Ali Jabir, Clemas Tane ya Nebogare, Mwana Mama Nzela Mine Koboma. Le géant de Fribourg. Yagan Saranga la imitaka. Non, c'est faux. Tosso Mambanze pour place Moko. Tarbozo Mwamba. Bili Bilolo. Tatu Kasongo. Mounia Mwa. Oua pistone, papa. O meme linganda koya fidélité. Adeline Kilongo. Oyona tonga karamote ma sembola bolingwe. Clément Randy Milelo Nandio Kamangae. Neti mystère de l'Ouest la filmé Naye. Clément Randy Mie, moi la maman. Nakoma Loko la basoda Libyene. Oyoba Kengelaka, mon ami Karafi. Adida Kese, Mirona Bapol Mokoko. Bosangana, Masuwa Nabino Yamboy. Papa Serta Mbaboyoka Mokasangana Zakwa Doreye. Zoka Eza Bolingo, Stone, Kanga makasi. Clema, Yonde osali ndoyi ya papale ki ya tata e. Yonde osali ya miya da jundo mbasi. Na boyi ba pardona bango ya karashika e. Na kumi sakalanga makoma. Bote na linga kalanga Yesu Kristo mwana mama. Bote na linga kalanga Simo Kimbangu. Bote na linga kalanga Marie de Magdala. Bote na linga kalanga Bali Minyo Zanzame. Deni Lesi, Pastor Konde. Iwe bitsi. Stone. Soki mbisi nyo sela nakama ye kotiola ye. Mele nzombola angolo batika poto poto. Anga na lele tata mon vieux. Papa na nakuta weyo ganze mboyo. Mukubwa wa wina ye. Bina mwana mama weyo lingaka. Bino nyo sobo bina wa. Soki Pascal Pomba Zalaki. Mamo te kimuba osa wapie. Mama masale bosa wapie. Bagansa Pisele bosa wapi. La mama makambela. Bagansa Hollande bosa wapi. Mama maya suse bosa wapi. Batala kamo te kimuba na monokote. Kote alia kango ya ofele. Yeah. Papa yakae, yakae, yakae. Aïe. moko pamba. Jagger mousse sans fini. Jagger au jagger. Écoutez-moi ça. Gigi Mawana London, hein? Oui, déjà et puis on va à Londres, tu sais. À mes city, ah. Boyo Katrine, Dakassus, Club Mohamed Ali. Yeah. Madame F. Brigitte Guirin, oui. Zéro faute. De la nana Denise Boyoka. Motonza makela, na lolenge na ye, lokola kela mokili. Mi bale na mbomba, mingala pe mi pepe. Ya fifi ya dijano. Na boboto na yo akeli yo lisye mwangela o. Iyo de ofanda kana mboka ya Queen Mother. Sa me pengo me ikomela nga lisye mwangela o. Jacosta Yala, Garo de mon après, la furette, y'a pour le kitenge, ma de pouyate. Motonza makelae, na lolenge naye, lokola keli mokili. Mi bale na ngomba, mingala pe mi pepe. Sa me pe ngome, ikomela nga lisye mwangela o. Lisye mwangela, fanaka na London. Lisye mwangela, nde koya nita ikomo. Jani Versace na ba J3 Yokolata Jeremy Claire na ba Yoji Yokolata Oh Chaco se koutwa kalbe kle Na loboko Onga na bo mama Mbeza alino amona bambasi Maneno ntingi Yala le pose ya wani evelina Ibo makaya ye Jani Fambolo Yariva RT Communication Baskanza Onga na bo Ngarabo mama, oh ngarabo, ngarabo ya bona mara ra ra. Thérèse aujourd'hui, immense mola. Bien tu bien. Je veux bongo, sinon bilala encore et toujours. Naza makasi, na bagisi sa banda ku belé. Bana Belgique, koyambana. Jala minata ye. Bye moza mo bina bino nyoso ba mama ya lola lokumu na bino sasola sasola masona koloba e utinde la mote mawa na kokite kwa bomba likambo o malu mumba etali kwa moi langana la liye shiro chambala e sande kukula na yepi izo evo mwana kambo ngoli sima mikolo yango na boy no no no na nare kozoba ya kale za bomba na totika la tu de Panama Derek Tola, l'empereur Hirohito. Wapitario Montana Kamumbay Rajungoma SFR Dajo Golden Boy Omba Lumumba dirigez-le Belgique Kouya Teddy Fini ta bouche Samson Maman Moseki Kilomoto et Roger Chic Atis photo Karanga photo ya mon bimba Balo Saint-Denis à Djani Touba Prosper Nteka Guillaume Gambou, le Congolais le plus sûr Toko Bondela, yo Bon Maketo Toko Bondela, yo Fatou Bilima Ilouba Fatou Kano Kakade Claude Banzita Wapi Bakini, Solange la Suisse Sylvie Chavo Rémi Kilola Mala, yo te, mama, y me la mala. Mama, Paris, Manon Jack la Bruxelles, Shiro Chama, la personne est Zebonga. Omonia, Mobali Kitoko Boy, Simpli Saoundou, Ninjiwa Sispe, Yayana Bibi Saoundou, Maître Tibo. La vie na munu a wundwe tuna montana ka mumbai akoye bisa yo masona sala ki kokana na motema e nzoko ina kinga ozela kina kene Strasbourg mon ami jojo bimpe oye bisa ba wana fe 12 ans kam se ba koyo ka biloba moto lisu muna me Na kitoli na yo masa Oko singa mingi na mitu ni kutu Soki opeti fari ya sepon le diable Nali na kina kabwa na ngala molo ngani Sepon na yo tajou ndo masi Kaka yo momeya ni kaka yo bandaki Koye bisanga na keba na banguna Orke yo moko monguna mbise kewa Nazala vigilance, on va y en défiler. Bati Makusa, Marie-Jeanne Malala, Kweli Salivine Mikaba, Aya. Jouangona la moukake, Aïmera Mabe. Yangona songisa ki yo réponse na kana. Déjà on a Tangona la moukina boutouna na regrette, ye. Na koka ki kosa la se plus a ou nu bon côté. Moto a salisa ki ngana biya. Ginette Panda, Marie Ginette, moi c'est Kitoko, Marie France Massialaï, Boka Matapino, nous sommes beaucoup dans la piste. Ah, les gens qui disent, là c'est qui, hein? Lisette Ngoma, y'a SFR, Timothée Ngoma, SFR, Rajou Ngoma. La cosa

tala fata na singe kende liboso. Sexy voitu wa neni mulamba en trois services. Didi kala kala ni kofasa Sose virende Demastono Deripa Robera Aminata Makyo Bisalela ya pambao Jili Kisemao Bisalela ya pambao Claude Vekia Lananga Bisalela ya pambao Amadina Pepo Franzi Kamao Amadina Pepo Jafé Kamao L'honorable Kamao Bisalela ya pamba Bonae Kombimao Bisalela ya pamba Bon Fafa La Barie Bisalela ya pamba Yarima Toleli Otoleli Chucho poquito, boca na baputa tu vine la yarifa. Ba mama, ba papa, na baleki. Ba muna nyos, pasi yo sangito ko babenga ka ba muna. Okay. Mama, Ubamano, Irukusai, Nekesai. na moya moya bien Miguel Miki Versement des données. Betty Nanga l'étoile à Didier Lacoste. Cassis Clément Medaline Meda Bouche. A foulu les sous pour la troisième fois. Mata. Kenny Service Express. Jean-Marie Molato. Marcelin Binoda Kanski. Fait l'ordre. Il prend ma caille à dépasser Tanza pour la 8ème fois. chamala. Bye. hôtels et waka bolingue Mustapha Toulonda sécurité Nana yakina mokili yasielo kote sokeza likoloko mokano ya yawe Hakim Prince de Lausanne, Mariana Lausanne, YouTube Wembo, Daddy Michana, Mike na Lausanne, Issa Bakwanga, Sergio Mokonja Lausanne. Merci. Moye bipona François, Papa Yotia, Papa Freddy Tagare na la vie. Zangola, Zangola, eh. Moye bipona François, Papa Yotia, Papa Tite Benzembo. Zangola, Zangola, eh. José Bangola, Bende Lissula. Nga vrema pasele kinga nga ye inunga ha. Mafobia. Patala moko na nzoto patanchi yoka ye. Nano ke limbula na mbuku yu banda kweza la kate. Dieta kamundi be. Banda kweza la kate. Marco de Monaco. Yeah! toi je décrocherai la lune. Je t'aime, Itafa Freddy. Jeannette Itafa. Besanga, besena lita maya Freddy. Lobelanga basa repayi yo outi. Yesalanga bien. Jeannette Azana yo. Oye ki bolero ha. Lala Pemeni nakaya Freddy yo. Yo kanenge na saliko ronfle. Loko la moana Alali Pemeni ya maboti baye. Puisque nengenga na lela yo. Je sais photo et photo va pas haut. Beaucoup de photos. Colo tout le monde, t'as beau t'avoir un problème à l'Ibala. Oh yo. Pesanga, pesena yo ya bajou. L'obelanga se singa moko ya malobana yo. N'est-ce pas rigolo pour l'obo, hein? Loko la bébé, la potami. Jamais qu'on y a la loutou ya Freddy. Ma sauce va gagner 7 ans, ça rate des jours. Nous aurons toujours qu'il est gardé, n'est-ce pas le temps à Marabé Koni aussi. Nicole Kadi, Tchouminka, Tchoumaki. Et Sanga, amour yo ya sincère. Jose Mayasien. Et puis Sanga, ma solo nyo sobo solo la guinaye. Et c'est bon, ma carré, ma casse. Loco la filme. Ya Dallas, Oyo Bobie. Mais je m'en vais. Dala, Nengeto, mais c'est Neki. Ma génération a vu son corps dans mon corps. Martin Kama. Jean-Marie. Mokoulasi. Nana Kameni. La série n'a plus rien supposé la piste et la mouma boy. Papa Jama Sayo qui est automane. Invitez ceux qui va faire côté la nomme et le dans la poufara boy. Et on a qui même on a couple Vivian Kounse, vient à papi. Parce que couple on est exemplaire, mais diamant. Bagarso y Arriba Robera, Maqueta, Clemas Tonio, Pablo Kimeni, Papier Konzo, Roi de Mika.